Le monde du podcast québécois vient de perdre un pionnier, Robert Goyetch, mieux connu sous le nom de Bob Goyetch, est décédé dans la semaine du 7 novembre. Ce podcast aimait offrir ses sympathies à sa famille, tout particulièrement sa femme et son fils, ainsi que ses amis qui laissent dans le deuil. Une campagne GoFundMe a été créée afin d'amasser une somme qui aidera sa famille et à payer des études universitaires à son fils. Vous pouvez contribuer au www.gofundme.com/Bob Goyetch. www.gofundme.com/Bob Goyetch. Nous dédions cet épisode à sa mémoire. Bonjour tout le monde. Petite introduction avant de commencer cette émission. Donc, c'est une émission aujourd'hui, il n'y a pas d'invité, c'est simplement moi et Jean-Seb, là, on s'est fait une émission retour là, sur le podcast Ménia, et puis bien, c'était un prétexte là, pour parler de podcast. Donc, j'ai fait part des rencontres que j'ai faites au podcast Ménia à Jean-Seb, qui n'a pas pu y aller. Et puis, une de ces rencontres que j'ai omis de lui parler, c'était ma rencontre avec Bob Goyetch, qui nous a malheureusement quittés. Faut dire que nous, on enregistrait l'émission jeudi, la même journée que Bob Goyetch, malheureusement, est décédé. Alors, bien, on n'était pas au courant, évidemment. Moi, j'ai rencontré Bob Goyetch au podcast Ménia. J'y ai peut-être parlé 10-15 minutes. C'est Sylvain Grandmaison qui me l'a présenté. Je le connaissais pas, comme plusieurs podcasteurs francophones. Et puis, bien, il m'a parlé de ces deux podcasts qu'il y avait là, d'actif, là, qui sont le Marshall McLuhan Variety Hour. Désolé pour mon accent. Donc, une satire sociale avec deux collaborateurs. Et il y avait aussi The Best Episode Ever avec les mêmes deux collaborateurs. Ça, c'était un podcast sur les séries télé. Si vous allez écouter une de ces deux émissions, vous allez voir une émission qu'ils ont fait, qu'ils ont simplement appelé Bob. Donc, évidemment, ça a été un retour là, sur la perte de leur ami. On peut s'imaginer pour eux que ça doit être assez difficile là, de continuer et ces temps-ci, ça doit être très difficile pour eux. Bob avait aussi, il m'a parlé de son podcast plus personnel, un podcast solo, qui était Bob Stop. S-T-U-P, Bob Stop. Petite émission personnelle, quand il y avait le temps, il en faisait une et il en faisait pas souvent. Je voulais l'inviter à Parlons Balado sous la recommandation de Sylvain Grandmaison. J'avais envoyé une invitation au Facebook que malheureusement, ça ne sera jamais répondu. Alors, au nom de l'équipe de Parlons Balado, je voudrais souhaiter nos sympathies à sa famille et tous ses amis. Et je dédie cette émission à Bob Goyetch. Bonjour, bonsoir, bienvenue à Parlons Balado, parlons, comment j'avais dit ça donc? Parlons Épicure. Parlons Épicure, j'ai perdu ma feuille. On est live, là, on continue. C'est excellent, excellent, on est rendu très bon. Fait que c'est ça, je suis en compagnie de mon cher ami Mathieu, mon collaborateur, mon reporter. Oui, c'est vrai. Mon reporter du Geek Fest. Ah, en personne? Hey, c'était le fun. J'étais allé faire un tour là. J'ai eu du plaisir. Là, t'es avec la gang. Là. Ta gang ben de Parlons Balado. Ben écoute, on s'est réunis, nous autres. On est allés déjeuner ensemble, Parlons Balado. Ouais. Il y avait une belle province juste à côté du collège Maisonneuve. Fait qu'on est allé se prendre un bon déjeuner. Ça a été vraiment le fun de revoir Max et de revoir JS. C'est la deuxième fois que je les voyais parce qu'on s'était vu à 500e de Yann Theriault, le stream. OK. Et puis, c'est la première fois que je voyais Chuck. Fait que Chuck, il est venu déjeuner avec nous autres. Ça fait que c'était vraiment le fun, Caroline. On se voit là sur Zoom ou sur Skype, mais de se voir en vrai, c'est vraiment le fun. Donc, c'est pas pareil, là, tu sais. Ben non, c'est ça. Moi, à date, là, j'ai pas vu personne, là. Ben non, avait... t'es trop loin. Ouais, ça, j'étais à Québec. Moi, il n'y en a pas. Il y a Matt, prof du web, qui avait essayé de faire un regroupement, puis je sais pas, ou ben donc, j'étais tout seul qui a répondu. Ou... ah oui? Il n'a plus, ben il n'a pas ben, il n'avait que, je sais qu'il en avait deux à Cap Rouge qui en faisaient. Il y a sûrement, on sait les noms, moi, que j'oublie. Ben je pensais qu'il en avait eu un à Québec, ça n'a pas marché, ça, cette histoire. Non, c'est ça, il en avait parlé, il voulait rassembler le monde, puis non, on n'est pas assez. OK. On n'est pas assez. Ah, ben, c'est l'organisation. On va peut-être se faire une petite bière, là, c'est ça. Puis Mathieu, ben, il avait été malade aussi. Là, je ne sais pas ce qu'il avait eu. Ouais. Fait que c'est ça. Faut que j'arrive à au moins me séduler avec lui. Là, c'est le seul qui a de l'air à répondre. Ben ouais, ça serait un podcast mania. Ben vous seriez deux, imagine. Mais bon. Non, c'est ça. Il y a Mike aussi à Québec. Ouais, c'est ça. Ben, c'est pas grave. Il y en a quelques-uns. Ben oui, puis juste rencontrer Mathieu, ça me dérangerait pas, moi, tout seul. Ben non, c'est ça. Ça fait une belle rencontre. Vous pourriez faire un petit podcast ensemble. Ben c'est sûr. En prenant une bière, en dégustant une bonne bière avec ce gars-là. Ouais. Ben c'est ça. Écoute, ouais, le Podcast Mania, c'est toute une organisation. Là. C'est beaucoup la pomme là, qui ont organisé ça pour tout ce qui est de l'enregistrement, la diffusion. Tous les détails techniques. En tout cas, Alexis et sa gang, là, ils ont fait une maudite belle job. T'as-tu eu la chance de les rencontrer, eux autres? Ben écoute, j'ai rencontré bien du monde. J'espère que je ne vais oublier personne. Mais bon, il y a Alexis, là, le pape du MAP. J'ai pu jaser un peu avec. OK, c'est lui qui faisait tout le maître d'œuvre, chef d'orchestre de cette histoire-là. Là. Ben lui, il est bien impliqué avec aussi sa gang de La Pomme, là. J'ai parlé aussi avec Bernard de La Pomme. Lui, c'est ça, c'est la deuxième fois aussi que je le voyais. Il était là à 500e du stream. Puis, bien sympathique. On parle de La Pomme ensemble. On parle de Apple. Je suis moi-même un fan d'Apple. Fait que. Ouais, non, je suis un peu mal pris, j'ose avec eux autres. Moi, je les connais pas, ces produits-là. Ben, c'est ça. Tu sais, moi, je les connais. Puis, je suis beaucoup La Pomme. Là. C'est un de mes podcasts. Là. J'en manque pas un. Fait que, ouais, Alexis, j'ai bien été content de le rencontrer. Puis, d'y jaser ça. Ensuite, écoute, il y avait du monde. Là. Ben, j'ai passé beaucoup de temps avec Tommy de 70%. Oui. Notre Tommy, là. National là, des douteux. Là. Lesdouteux.org. Ah oui, on l'avait reçu. Là. Ah oui. Ceux sur Internet sont drôles aussi. Là. Il y a un fil Facebook, eux autres. Là. Douteux.org. Là, puis ouais, c'est toute une histoire. Ils ont toujours des beaux vidéos assez rigolos. Ouais. J'ai passé beaucoup de temps avec Tommy parce que non, je m'entends super bien avec un grand philosophe là, de la vie. Il était déguisé, mon gars, en espèce de drap du McDonald's des années 80. Puis là, il s'était fait faire un costume. Écoute, c'est possible sûrement de voir ça si t'écoutes le podcast Ménia. Il a passé au podcast Ken Mallard contre le monde réel. Puis il était déguisé en quoi? En espèce de drap de McDo vintage années 80 qui a été fait par refait pour un déguisement par une couturière. C'est quelque chose de vraiment fucked up. Là. Il y a de l'investissement. Ce qui était drôle, c'est qu'au Geek Fest, tout le monde est déguisé. Là. Moi, je n'étais pas déguisé, là, mais il y a plein de... Tu sais, ceux qui vont au Geek Fest, ils se déguisent en Super Mario, puis des princesses, puis des elfes, tout ça, mais... Là, fait que là, Tommy, là, lui qui aime ça, là, être marginal, il passait inaperçu, là. Il déteignait un petit peu. Ben, il déteignait pas, tout le monde était... Il y avait plein de gens qui étaient déguisés, donc c'était juste normal, tu sais, pour... Mais des fois, il était pas hors sujet avec ça. Ah, c'est ça, il y avait un super héros. Ben là, c'est ça. Lui, c'était, en tout cas, c'est un personnage. Je suis pas capable de l'expliquer. Mais si t'écoutes Ken Mallor contre le monde réel, ça, ça a été un podcast que je connaissais pas. Puis lui, c'était l'invité de, okay. de Ken Mallor. C'est un podcast qui est régulier, ça? Ben, ça a tout de l'air. Je le connais pas. Je vais aller voir ça, non? Ben oui. Fait que Tommy, lui, était invité à ce podcast-là. Puis ce qu'il fait, c'est qu'il fait comme des jeux de rôle. C'est bien spécial. Il part en... Il y a beaucoup d'improvisation. Puis il fait un jeu de rôle un peu à la Donjon Dragon. Là. Ça okay. devient absurde. Fait que ça, c'était bien bon. Sinon, j'ai été bien content de voir Mike aussi, le matozoïde. Le super! Il s'est pointé de Québec, justement. Ah oui! Je sais jamais si c'est dans le bout de Trois-Rivières, lui aussi est de Québec. Là, c'est jamais trop clair dans ses affaires. Et puis embarquer avec, quasiment, puis faire du covoiturage. Ben oui, j'aurais peut-être plus dû... c'est ça. Il est pas venu longtemps, là, tu sais. Il a fait ça aller-retour. Fait que lui, il était invité là, à Sylvain Grandmaison. T'es allé faire un tour là. Puis j'ai bien aimé, mec. Il a vraiment un sens de l'humour, le fun. Là. Puis, il est le fun, il était venu porter son chandail. Là. C'est pas lui que j'ai. Ah ouais? Non, okay. Il était venu porter son chandail de ça. Il a fait des promotions. Je n'en ai parlé à un moment donné. Là, il a fait des promotions. Puis il s'était fait faire un chandail. Puis, bon, oui, je me souviens de ça. Là, il était venu chez nous me le porter personnellement à personne. J'ai dit, t'es pas loin. J'ai dit, pour une fois qu'il y en a un qui est pas loin, j'ai dit, viens me voir. C'est le seul podcasteur que je connais. Ah, ben c'est bon. En main propre, oui, ben. Ah, ben oui. On a pris une belle photo pour le temps. <C'est> j'ai fait visiter mon coin baboche. Bon, ben tu vois. OK. Non, il est vraiment cool, mec. Puis il m'a payé une bière en plus. Fait que là, j'y dois une bière. Fait qu'il faut vraiment qu'on se revoie à un moment donné. Excellent. Ouais. Sinon, ben Sylvain Grandmaison, j'ai été vraiment content du jaser ça. Ah, ça, c'est un grand homme, ça. Et hey, puis grand même. Moi, c'est sûr. Oui? C'est sûr que moi, je suis pas grand. Tout le monde est grand, mais il est vraiment grand dans la vie. C'est ce que je m'imaginais de ce gars-là. Non, moi, je l'imaginais pas grand, tu sais, avec sa voix, là, tu sais, on s'imagine des personnes. Ah, il a une grosse voix radiophonique, là. J'aimerais tellement ça parler de même. Ah, un grand bonhomme, puis super intéressant, écoute. Fait que là, c'est ça, j'ai demandé c'est quand qu'il s'en venait son prochain épisode. Il dit que son prochain épisode est prêt. Il a juste pas le temps, il manque de temps. Il a tout écrit ça. Puis, c'est ça, là. Parce qu'il fait ça one take tout le temps, lui aussi. Lui, c'est one take, ouais, j'en ai parlé aussi. Il se prend pas trop de notes, il a de l'air à ça, juste un petit plan de match, là, puis OK, c'est beau. Ouais. Petite recherche sur un sujet, puis il y a ses chansons. Ouais, son petit carburant, là, c'est sa marque de commerce. Puis, effectivement, lui, il pèse sur le bouton, là, puis les chansons, il joue. C'est ça que je rêverais, moi. Je le sais pas quoi, mais je veux être capable d'avoir comme une régie, puis que go mon son, mes volumes, quand mes volumes sont là. Là, tu sais, c'est tout le temps d'un menu, d'un clic, d'un autre sous-menu. Non, je peux juste avoir là, puis tu sais, j'ajuste. Non, c'est ça, je rêverais de ça. Ben oui, tu sais. Quand tu fais épicure, tu te mets ta petite trame sonore, là, tu l'entends. Ouais, c'est ça, tu sais, tu montes juste le potentiel à mettre là, tu peux même faire du Q, tu sais, j'ai déjà été DJ moi aussi, puis c'est vrai, tu sais, moi j'étais capable de faire un Q, d'ajuster, bon, ok, c'est beau, mon volume est correct, il est correct, ok, c'est beau, puis quand tu pars, ben, tu le rentres quand tu veux, puis c'est ça, me semble que ça pourrait être simple avec l'informatique qu'on a, je peux pas croire qu'ils peuvent pas faire ça. Ben, certain que ça se fait, là, il y en a qui le font, comment ça s'appelle, c'est Boys Chuck? Le chien. Ouais, c'est encore sur hype, tant de choses bénouches trucs que j'ai pas, là. Ah, y a pas ça à l'extérieur de iPad, puis. Ouais, en tout cas, l'univers d'Apple, là. Non? Ah, ça se peut. Ou, au pire des cas, peut-être sur un téléphone cellulaire, mais j'ai pas encore de téléphone à poche. Ou sinon, ben, c'est avec une console que tu branches USB, puis là, tu mets un setup là, pour partir tes musiques, tes jingles. Fait qu'il faut que t'aies une console. Ouais, c'est ça, j'ai rien de ça. Bon, les gars, continue à me jaser de nos amis de par là-bas. Alors, hey, t'es l'homme qui a vu l'ours, t'es le gars le plus proche que tu as vu ce monde-là. Là, je suis en train de te craquer parce que j'aimerais ça que tu viennes là, l'année prochaine. Il faudrait que tu t'arranges. Là. Ouais, c'est ça, faut que je m'atteigne. Faut juste le prévoir. On n'est pas des sorteux, nous autres. Ouais, ça serait le fun. On est autosuffisants, c'est pour ça que je fais du podcast. C'est ta passion, là, ça vaut à peine. Là. Ben oui, mais ça, c'est tous tes gars-là. Mais je parle pas en public. En tout cas, d'habitude, je parle pas bien. C'est encore drôle. Non, non, mais là, de toute façon, je sais pas si on parle au balado, on va être là l'année prochaine. Là, ça fait 2 années de suite qu'on est là. Mais tu sais, moi, même si on n'est pas là, je vais y aller comme auditeur, là, comme fan de podcast. Ben oui, ben à un moment donné, c'est ça, c'est que si... c'est... En tout cas, c'est ça, juste m'en parle aussi d'avoir fait le show avec les gars. Ouais. Être en à la table en avant. D'autres personnes que j'ai vues, ben, il y a le gars de Balado Québec, là. Je pense qu'il s'appelle Daniel. Yves. Non, Yves, là, lui aussi, je l'ai vu. Lui, c'est Pod Québec. Oui, OK. C'est mélangeant, là. Yves, okay. Qu'on avait reçu. Et l'autre de Balado Québec? Balado Québec, c'est revenu, ça, là. Tu sais, Balado Québec, là. Ouais, c'est lui qui était mon ancien hébergeur de. Ouais, ça. De Piqueuse. Ça a été mon premier hébergeur. Ouais. Ben, là, lui, je savais pas, mais il est reparti, là. Si tu vas voir son site web, il a refait son design. Oh, il a la machine est repartie, lui. Là, il est reparti ça, puis là, il est question, là, je peux rien promettre à personne, là, mais question peut-être qu'on pourrait héberger comme on pouvait le faire avant, là, de façon gratuite. Ah, oh, écoute, je l'embrasse, ce gars-là. Ah, ouais. Non, c'est pas grave, j'y paye, non, c'est pas grave, on m'a le payé. Lui. Je peux rien promettre, mais il est question d'essayer de faire ça, ça serait vraiment le fun, parce que une solution gratuite comme ça, là, c'est... Ouais, ben ça ressemble un peu à ce que je t'avais parlé un petit peu, là. En tout cas, on en reparlera tantôt de mes patentes. De tes projets ou de ouais, tes... Je me prends des notes, là. Tes idées. Faut que je reste en ordre. C'est bon. Et puis, oh, c'est ça, lui, il était là, un grand fan. Yves aussi de Pod Québec, grand fan de podcast. Il a passé samedi au complet, puis dimanche au complet, lui. Ah oui? Pas de demi-mesure. Ah ben moi, elle est là, c'est sûr que je fais ça. Là. Moi, si je descends à Montréal l'année prochaine, là, c'est sûr, je suis deux jours là. Moi, je couche dans un coin, là, le gars qui se le casse, là, c'est moi. Puis vous arrêtez, vous le jasez, c'est Jean-Seb, puis c'est ça. Ça va être carrément comme ça. Je vais être comme un robineux, moi, dans ce coin-là. « Hey, je te connais-tu? Oui! » Hey, oui, je t'ai déjà écouté. On est parti pour 1 heure. Après ça, je me raccote dans un coin quand il était carré de jaser. Puis... Hey, toi, tu vas triper, mon gars. Hey, non, c'est sûr. Si t'es là, je vais probablement t'appuyer là, dans ta démarche de rester là. Je le connais, lui. Viens ici, ouais. Alexis. Viens ici. Ah, mais c'est le fun, c'est surtout quoi. Googly Mitty. Ouais, j'ai pas pris son nom en note comme il faut. Bruno, en tout cas. Bruno. Lui, je l'ai pas croisé malheureusement parce que là, c'est ça. Moi, je suis parti là, vers 6h30, 7h. Fait que, le soir? Là, ouais. Ok, fait que quand j'ai pogné le live, moi, t'étais parti. Ouais, Bruno, je l'ai écouté live quand même. Fait que c'est ça. Malheureusement, j'ai pas vu Bruno, mais j'ai vu encore Yann. C'est toujours le fun de le voir, notre sacré Yann. Ah oui! Lui, j'ai tellement hâte de le serrer dans mes bras, ce gars-là. Ouais. J'ai pas le temps ben de parler. Il est occupé, Yann. Puis, je sais pas. Il est toujours occupé. Ouais. J'ai plus parlé, tu sais, avant nos parlons balado, là, les 2-3 fois qu'il était là. Ouais. Que au podcast Mania, parce que bon. Ouais, ben écoute, dans les affaires comme ça, là, écoute, il y a tellement de monde qui veulent le voir. Tu sais, quand t'es rendu à, je sais pas moi, 25 000 personnes sur Facebook, là, ou sur Twitter, ou je sais pas comment il y en a, puis écoute, il doit en avoir plus d'un bord, puis de l'autre, puis de. Gars, quand il arrive là, tu sais, il doit être technique. Là. Lui, en plus, qui est TDA, là, il dit qu'il est TDA, Chris, il n'est pas TDA, je peux pas craindre, là, je sais pas craindre de rouler à moitié de ce qui roule, moitié avec il est là avec le téléphone, puis ci, puis ça, puis son ordinateur, puis il peut passer ses tracks, puis son monde, puis son « Hey, toi, je veux t'avoir sur le show, puis tu viens faire un petit coucou », puis de « Ah non, il est homme d'affaires en crif son podcast, pareil, là. » Oui, ça marche les affaires, là, toutes les jingles, puis ça doit être assez mélangeant. Ouais. Passe ses chansons, puis en tout cas, ben oui, lui... Ben c'est ça, tu sais, c'est une grosse journée pour lui aussi. Là. Il était à Parlons Balado, puis il était là le soir là, jusqu'à minuit pour son émission. fait qu'il n'est pas resté là le jour, tu sais. En tout cas. Puis là, tout ça pour dire ben que... Ça, ce bout-là, je l'ai écouté en live, ça. Ouais. Grâce à la pomme, Calif. Merci. Ben oui, c'était le fun en tabarnouche. Sinon, ben j'ai vu Botrax. Botrax with cheese. Feu de l'esprit. Oui. Vraiment un chic type. Ouais, tu l'as trouvé comment? Es-tu aussi ésotérique en vidéo, en personne que. Ben, on n'en a pas parlé ben de. Ah, pas parlé de son show? On n'a pas parlé de conspiration ou d'ésotérisme. OK. Ça a pas trop à donner. Moi, je connaissais pas beaucoup son show. OK. Là, je suis allé écouter ça. Je sais pas si tu connais ça, Feu de l'Esprit. Oui. Ben, je les écoute pas toutes, là, à un moment donné. Là, c'est juste drôle, tu sais. Dans le fond, quand t'es pas... Il y en a qui trippent sur la politique, sur le sport, sur... Bon, ben, tu sais, il y a aussi l'ésotérisme, ça fait partie d'un autre des sujets, là, puis... Puis oui, à un moment donné, des fois, on peut voir des choses, on peut voir... Puis il y a des choses que... Tu sais, à fond, ces gars-là, ils se questionnent à savoir, tu sais, c'est-tu juste un, comme une mauvaise... le gouvernement, il essaie-tu de nous en rentrer, ou bien, tu sais, les sites Internet, il essaie-tu de nous suivre, ou, tu sais, puis là, les dieux, puis là, tu sais, c'est-tu tout contrôlé par des entités, par cinq personnes qui contrôlent le monde, à peu près, là, puis qui sont Coke, Pepsi, puis je sais pas qui, là. Ben, c'est ça. C'est sûr, j'ai écouté ça, j'ai trouvé que c'était un excellent podcast. Le gars, ça fait longtemps qu'il fait ça. Ah, mais hein. Ça roule, c'est un pro. Par contre, je suis pas d'accord avec ce qui est dit, là. Mais ça, ça parle un peu des conspirations. Puis tu sais, on vient d'avoir un vote aux États-Unis, là. Ouais. Chose, là, en tout cas, les cheveux rouges, là, Trump. Un certain Trump qui est venu me donner des boutons. Ouais, c'est ça. Il est venu comme un chien à jeu de quilles. Puis, dans le fond, tu sais, c'est sûrement que. Ben, c'est un peu comme écouter Alex Jones, là. Mais, t'sais, c'est des gars qui sont à l'affût de tout ce qui est un petit peu conspiration, ces affaires-là. Puis, ouais. Mais en tout cas, un podcast que je respecte, même si je suis pas d'accord avec, disons, les idées qu'il y a dedans. Exact. Ben, c'est pas mal ça, écoute. Sinon, il y a. Pour ça, je trouve drôle à écouter. Puis, je ne prends pas personne, je le prends pas au sérieux, mais bon, ça fait partie des shows. C'est intéressant. C'est effectivement, c'est intriguant. Ouais, c'est ça. Mais si ça prend une couple d'épisodes, tu fais bon, ok, c'est bon, on passe à un autre. Puis, de temps en temps, tu viens juste te réécouter. Tu dis, ah, c'est vrai qu'ils sont pétés. Puis, yes, après ça. Ben, c'est pas mal ça. Sinon, il y avait un fan fini, le iChuck. Tu l'as sûrement déjà entendu parler. iChuck the Trucker, ben oui. Fait que je sais pas si c'est un trucker, lui. Ben, coudonc, ça doit. Il s'appelle iChuck, en tout cas. OK. Chuck. C'est pas le gars qui est avec nous autres, ça? Non, c'est iChuck. OK, c'est pas le même. En tout cas, visuellement, il a pas de l'air d'un trucker. Je sais pas si c'est un trucker, mais ouais, il y a un trucker. Ça a l'air à quoi, un trucker? En tout cas, il était là, lui, puis il était là à la 500e de Yann aussi, il était là. OK, oui. Puis lui, j'ai jasé avec lui jusqu'à 3h du matin à la 500e de Yann, là, du stream. OK. Lui, puis Bernard de la Pomme, nous trois. Puis, Mimo, il était pas là. Ben, je l'ai pas vu, en tout cas, Mimo, Francis Mimo. Lui, il fait le show du gros, c'est ça? Ah oui, il manque, ce gars-là. Ouais, fait que lui, il était. Mais peut-être qu'il est allé au Podcast Mania pendant que moi, là, j'étais parti. Je l'ai pas croisé. Sinon. Ah oui, je l'ai pas. Pourquoi je l'ai pas, lui? Ouais. Je l'ai pas mis. C'est pas grave. Mais ça me met que je veux dans ma liste. OK, chaud du gros, ouais. Vraiment un gars sympathique. Oui. Fait que c'est. J'espère que j'oublie personne. Là, c'est pas mal le monde que j'ai croisé, là. Fait que là, le matin, vous êtes allé déjeuner. Fait que là, nous autres, la gang, est allé déjeuner le matin, puis on est arrivé tight pour notre show, pas mal, là. T'étais à quelle heure? 10h50 à peu près, le matin. OK. Fait que c'était de bonne heure, tu sais, pour faire un podcast, mais c'est ça. Fait qu'on est arrivé là, on est arrivé sur le stage, et puis ça a parti. Je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment drôle, là. Il y avait l'intro de Parlons Balado, là, qui... notre intro, là. Ouais, j'ai manqué votre show. Ah, tu l'as pas écouté. Fait que là, il part ça, tabarnouche, j'ai un gros speaker, puis ah ouais, je m'attendais pas à entendre l'intro live comme ça, de parler au balado, tu sais. Puis là, après ça, ça part, puis là, ben, ah, tu nous as pas écouté, parlons balado. Non, je vous ai pas écouté. Ah bon, c'est pas grave. C'est un bon show, c'est vraiment un bon show, ça a roulé. Vous allez embarquer la semaine prochaine sur mon horaire, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Je suis toujours déphasé, moi, hein, fait que... Ah, on est content. Quand on a terminé, on est content. On a jasé. Ça n'a pas arrêté. Là. Ça a vraiment été un feu roulant. Du feu de Dieu. Ouais, ben écoute, avec Chuck, Yann, déjà en partant, là. Ouais. C'est tous des all-stars rapides, là, avec qui j'étais. Là. Ouais, c'est des gars qui sont rapides. Puis c'était. Tabarnouche. Ensuite, ben Max, il était là. Puis Max, il était en feu. Il était vraiment en feu. J'ai vu Maxime avec. Puis JS. Ah oui, c'est JS. Ah oui, j'ai vu JS, oui, Maxime. Puis il était sur un autre show. Super, ça accroche tout le temps dans ses commentaires. Ouais. Fait qu'eux autres, là. Mais ils étaient pas sur un autre show. Ils ont-tu fait partie d'un autre live? Ils ont-tu fait un. Comment ils appellent ça? Crossover? Non, là, Chuck, il n'a pas fait le petit bonheur. Non, pas Chuck, mais il me semble que j'ai vu Maxime. Puis, Max n'est pas retourné, lui. Non, il a fallu qu'il parte pas trop tard. Ah, je pensais les avoir vus. Yann, lui, il est allé voir Bruno. OK. Et puis Yann, il a fait son show. Ah, OK. Ah, ben, j'ai peut-être pogné votre fin à vous autres. OK. Ah, j'ai peut-être pogné un petit bout. Alors, moi, il y a des bouts que ça, je venais voir sur l'ordinateur pendant que je n'étais pas supposé d'être là. Puis que là, je venais regarder. Puis là, tu sais, j'ai beau dire à ma blonde, c'est parce que c'est le Guy qui fait ça en fin de semaine. Là, les gars, ils font des shows à plein. Là. Ben, oui, puis. C'est ça, là, je vais aller voir. Là. Fait, là, je faisais des tutos, j'avais juste regardé. Après ça, je repartais faire mes petites affaires. Je revenais, je checkais, je repartais. Ouais. Alors, c'est ça, c'était bien drôle. Là. Fait que ça, j'avais pas le temps de faire du couch potato à regarder tous mes boys. Ouais, c'est pour ça que j'étais excité de t'avoir avec moi. Là. Ben, c'est une grosse journée. Écoute, ça partait le matin jusqu'à minuit le soir. Là. Mais c'est ça, là. Tu vas te rattraper. Là. Ça a tout été enregistré, ça. Là. Ben, c'est ça, je vais les avoir un petit peu plus tard. Fait que c'est ça, ouais. Tout ce que tu m'annonces là, moi, je suis toute fraîche, toute oui. Fait que c'est ça, écoute, ça a été un feu roulant. Moi, j'ai passé 3-4 répliques, je pense, là, dans tout ça. Puis, tu sais, j'ai écouté, comme on se dit un peu avant le show. Moi, j'ai écouté, là, puis j'étais vraiment content d'être là. Puis, alors, il y a eu beaucoup de tes questions, là, quand tu vas voir, quand tu vas écouter l'émission, de un petit peu là, l'état des lieux là, du podcast québécois en 2016. OK. On est rendu où? C'était très positif, les commentaires. Je sais pas toi qu'est-ce que t'en penses, l'année 2016 qui s'achève bientôt. Comment tu vois ça, toi, le podcast au Québec, là, 2016 comparé 2015, 2014 et avant? Par rapport à ce que je vois, moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Oui puis non. Oui, il y a eu des rassemblements qui se sont faits. Il y a eu des... moi, à date, là, depuis que je vois les podcasts, je le voyais aux États-Unis, je le voyais en Europe, qu'il y avait comme des associations, des groupes de podcasteurs, des petites cellules du monde qui se mettent à chiller ensemble, qui ont le même genre de point d'intérêt, qui jasent sur Facebook. Moi, c'est sûr que, écoute, j'ai pas de patente. Fait que tout cet univers-là, pour moi, c'est rien que de la supposition. Là, tu sais, c'est un monde virtuel, je sais pas. Là. Fait que là, ça m'a amené à en avoir un téléphone. Je m'en sais pas trop être dessus. Là, je vais être un peu plus présent, au moins. Ouais. Fait que, mais c'est ça. Je pense qu'il y a justement des petites communautés. Je pense que Parlons Balado a quand même aidé à créer ces petites cellules-là qu'il y en a des fois qui vont se faire un petit salut entre podcasteurs. Avant, on ne l'entendait pas. De plus en plus, je l'entends. Même des fois sur des podcasts qui sont comme de dos, pas tout à fait de la même gang. Là, il y en a qui vont s'envoyer un petit salut pareil. Fait que en tout cas, moi, je trouve que ce qui manque, là, ce qu'il faut vraiment que le podcast s'en aille, c'est de se faire connaître, mais à l'extérieur. Là, c'est du monde qui connaît ces podcasts, qui découvre les podcasts. Mais tu sais, la liste de balados, elle devrait se promener sur les réseaux sociaux. Il faut la garrocher à tout bout de champ. À toutes les fois que tu peux la poster, si à toutes les fois, il y en a juste 2-3 qui vont la reposter, ben, eux autres, ils vont la reposter. Ou à un moment donné, ils vont entendre quelqu'un, « Hey, j'ai entendu tel podcast. Ah oui, justement, j'ai eu un lien de podcast. » Puis là, à ce moment-là, puis c'est ça, nous autres, dans le fond, on ne demande pas la permission pour avoir les liens. On sert d'annuaire. Je ne sais pas s'il y a du monde qui nous ont contactés, mais je pense pas. On n'est comme pas assez vus. Fait que je pense que un genre d'annuaire, mais tu sais, comme pour les podcasteurs qui sont québécois, puis là, moi, j'inclus les radios étudiantes, j'entends des petits podcasts là, qui sortent de temps en temps. Souvent, ils vont produire, mais ils ne sont pas rejoints, ce monde-là. Pour dire, hey, il y a toute une communauté que tu pourrais avoir. Tu la cherches peut-être pas, mais en tout cas, c'est elle te cherche, par exemple. Puis c'est vrai. Ouais. Des fois, il y a des émissions qui se passent peut-être à Rivière-du-Loup, dans une petite radio de village, ou pire, il y a peut-être un gars qui, lui, il y a un fil à réalité, il y a un petit site web, là, il y a ses 4-5 chums qui le connaissent. Mais il parle de super bonnes choses. Ben, lui, il aimait, mais on le sait pas qu'il aimait. T'as raison, il y a encore des podcasts qu'on connaît pas. Il y en a une multitude qu'on connaît pas, puis que c'est des podcasteurs, mais ne serait-ce que les radios communautaires. Ils ne sont pas listés nulle part, ou sinon, il faut vraiment. Tu vas aller voir. Moi, à Neuville, là, je vais aller voir. Y a-t-il une radio communautaire? Ben non, à Neuville, il n'y en a pas, mais le plus proche, est à telle place. Quand tu es en ville, tu t'en rends pas compte de ça. Mais quand tu es en campagne, moi, je me souviens, quand j'étais à la Pocatière, écoute, il y a deux postes de radio qui rentrent, puis il y en a un qui griche. Fait que tu écoutes celui-là qui est vraiment régional, puis tout ce que tu as. Tous les matins, il veut pas. Tu entends la table démarrer. Puis, tu sais, c'est tout un autre univers. Mais ces gars-là aussi ont des sujets, puis qui vont parler de la technique de sujet de la pocatière, puis qui vont parler de l'agroagriculture. Mais le gars, pourtant, il est à la radio, puis si le fil, il se passe sur Internet, ben ça fait quelqu'un qui trippe en agroalimentaire, ben qui dit « Hey, ben oui, qui fait pas de poste de la pocatière, je peux l'écouter, puis il parle de vaches, puis d'insémination, puis de reproduction, puis de soins des petites papates qui saignent, puis des petits pieds ensanglantés. » Moi, ça ne m'intéresse pas, mais il y a quelqu'un qui cherche peut-être cette information-là, puis c'est que s'il était disponible, si on savait qu'il existait, ben, on y aurait contact. Ça, c'est ça. Je pense que c'est ce qui est en train de se créer. On est en train de se créer des petites communautés, mais il faut être capable de sortir à l'extérieur. Ouais. C'est sûr qu'on a une certaine gang, là, tu sais, disons, je prends tous ceux qui sont dans RZO, là. Toutes les podcasts inclus dans RZO. Exact. On a une certaine gang de podcasteurs. Mais il y en existe plein d'autres, là. Tu me fais penser à ça, là. Les radios communautaires, ils ont-tu des fils RSS de disponibles? Pas tous. Non, hein, pas tous. Ça. Il y en a, mais qui m'ont. Ben oui, c'est parce que ça coûte rien. Caroline, en plus, ils doivent avoir un serveur. Tu sais, ça pèse. Tu sais, c'est juste, gars, écoute, tu fais juste relier au réseau. Mais tu sais, ils ont des vieilles radios antiques, là, j'imagine, dans tous les quartiers de village, là. Fait que là, est-ce qu'elle est reliée à un. Mais tu sais, c'est juste de mettre un fil puis de brancher un ordinateur, là. Tu sais, c'est pas que c'est quelque chose de huge, là. Mais souvent, ils n'auront peut-être même pas d'ordinateur. Les autres, ils pensent que ça prend une carte audio, là, ça prend un super ordinateur. Non, même un vieil ordinateur va faire la job, là. Pour être capable de prendre le fichier audio puis de le mettre sur Internet. Ça coûte rien, puis... T'as bien raison. Il manque un petit peu là, d'un espèce d'endroit central là, que tous les producteurs de contenu audio, là, tout le monde serait là, là. Parce que même la liste de Parlons Balado, il y en a beaucoup, mais je pense qu'il en manque encore. Puis là, si tu te mets à penser à ça, là, tous ceux qui font l'effort de faire des petites radios communautaires... let's go, c'est facile de mettre ça sur Internet aujourd'hui. Là, on pourrait avoir une espèce de gros iTunes québécois, là, de tout ce qui se fait au Québec, là, ça serait génial. Ouais, c'est ouais. Ça. C'est ça. C'est au moins d'avoir un agenda. Pas un agenda, comme une table de matière. Là. Une bibliothèque, là, la bibliothèque des podcasts québécois. C'est ça. Tu t'en vas là, puis tu pointes là tous les liens RSS. C'est un peu ce que. C'est en plein ce que Parlons Balado a fait. Moi, à un moment donné, c'est ça. Là, je l'avais fourni une liste là, de tout ce que j'avais comme de mon côté. Puis, il était, en tout cas, au début, il était là, asti, on fait quoi avec le stock que tu manges? Mais tu sais, j'avais pas juste un nom de podcast, là. Moi, j'avais le fil RSS qui l'anime, c'est qui les. À moi, il faut que tu saches aussi, moi, puis le sujet avec une description. J'avais été chercher, quand je trouve des sites, je m'en vais, puis je vais chercher la description. C'est quoi Parlons Balado? Balado Diffusion est un podcast qui rencontre des podcasteurs ou qui jase de sujets reliés au podcast. Puis après ça, ben un tel qui s'appelle Albireo. Il fait quoi, Albireo, lui? Pas évident, tu sais. Là, moi, si tu sais pas que c'est une étoile, ben tu peux pas l'imaginer, toi, qu'Albireo, il va parler d'astronomie, puis que. Puis tu sais, il y a plein, des fois, des noms de podcasts qu'on sait pas. Fait que là, moi, je trouvais ça important d'avoir une description, puis de quel style que c'est. Puis ça, moi, c'est parce que des fois, tu vois, en tout cas, t'as-tu déjà parlé à d'autres personnes de podcast? Ben, c'est ça. Moi, c'est un peu l'idée là, que j'avais derrière la tête. Là. Quand on parle d'autres personnes de podcast, bon, ils savent jamais c'est quoi un podcast. Ils savent pas qu'il y en a. T'as-tu réussi à le vendre à quelqu'un? Ah oui, moi, sitôt que j'ai la chance, je le fais. T'as prêché dans le désert, mais sais-tu si t'as un disciple qui est sorti du lot? Qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent, ils vont écouter le mien, mon capsule de connaissances, puis trouvent ça génial. Je réussis à vendre Parlons Balado, tu sais, je suis là, allez. Ouais. Ils vont m'écouter quand je suis là. C'est ça, ils vont écouter une fois, deux fois, puis c'est beau, c'est une expérience. Ils m'écoutent juste moi, ils vont pas écouter d'autres. Là, je leur dis, OK, c'est bon, maintenant, allez sur RZO. Il y en a plein d'autres de sujets d'intérêt. Il y a plein d'autres podcasts au Québec. Allez voir ça, là. Ah, c'est dur. Ben, mais ça sort pas de là. Ça, c'est quoi tes passions? De quoi t'aimerais ça? De quoi t'aimerais entendre parler à la radio? Puis là, le monde, il te sort à... Ben, il y a tel sujet... Va écouter Horror Gamer. Hein, moi, j'aimerais ça qu'il parle de choses de Netflix. Oui, il y en a un podcast sur Netflix. Des fois, il y en a qui sont pas tout à fait sur la corde. Mais t'écoutes-tu de l'anglais? Oui, d'après moi, tu vas être bon pour trouver quelque chose. Là, puis, là c'est ça. C'est que si, moi, mon rêve, c'est ça. C'est vraiment d'être capable de recueillir, d'avoir une liste des stations de radio qui sont au Québec, puis de pouvoir se brancher, que ça soit... C'est la même chose, là, mais tu sais, dans le fond, est-ce qu'il y en a qui sont affiliés, puis est-ce qu'il y en a qui sont des podcasteurs indépendants? Puis bon, ceux qui sont affiliés, c'est peut-être plus facile de les trouver. Mais les petits indépendants, essayez eux de faire la pub, là. Non, c'est ça, mais... Moi, je serais prêt à payer pour quelqu'un qui ferait toute ma publicité, qui dirait, je sais pas, qui irait sur les fils sociaux, les fils de Facebook puis Twitter, puis quand il voit qu'il y a une conversation qui parle de vin. Ah, hey, avez-vous écouté le podcast de Jean-Seb? Ça serait le fun. Mais hop, t'as écouté le podcast de Mathieu Rancourt qui parle de telle affaire? Puis épisode 37, 38, puis 52, il a parlé justement de la Lune, puis il a parlé des marées. Ça, c'est avec le temps, à un moment donné. C'est qu'il faut que tu persistes. Puis un jour, là... c'est parce qu'il y en a beaucoup qui finissent jamais par être connus. Il y en a qui sont connus, mais il y en a beaucoup qui finissent toujours par rester comme dans l'ombre. Puis... Ah, ils font leur petite affaire, ils ont leur petite gang, eux autres. Mais tu sais, ils ne se font pas connaître, puis c'est du monde qui gagnerait être connu, puis que certains aimeraient connaître. Là. Ouais. Moi, c'est ce que je trouve. C'est ce qui manque. Puis c'est quelque chose qu'il a commencé au moins à grandir. Là. On entend plus parler Radio-Canada, ils en parlent souvent, balado-diffusion. Ouais. Ça, c'est une chose qui a été discutée, si je reviens à mon rôle de reporter là, yes. du podcast Mania Parlons Balado. Le mot balado, là, on l'aime puis on l'aime pas. Moi, je préfère dire podcast. C'est-tu un podcast ou c'est une balado? Ouais, ça s'est jasé, ça. Parce qu'on dit un balado. OK. Ouais, puis qu'est-ce qu'il faudrait dire, en tout cas? C'est quoi les arguments qui sortent pour l'un, pour l'autre? Pis, Ben, le problème, c'est que balado, c'est seulement au Québec qu'on utilise ce terme-là. Oui. En France, partout, que ce soit la francophonie, partout dans le monde, on parle de podcast. Mm-hmm. Au Québec, ce mot-là, il semble que c'est Bruno qui l'a réparti. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très radio-canadien, là. Dans le balado, puis la balado-diffusion. Jamais eux autres, à Radio-Canada, ils vont parler de podcast. C'est tout le temps balado. Ben, écoute, les accords Twitter, c'est encore, entre guillemets, toujours, là. Tu sais, on a eu des nouvelles, là, tu sais, c'est comme, entre guillemets, là, du réseau social Twitter. Puis là, tu sais, c'est comme vraiment... C'est vraiment un terme, là, c'est bizarre. Tu sais, que podcast, c'est encore loin, là. Puis pourtant, tu sais, c'est une des premières sources, là, Twitter, là. Mais tu sais, c'est encore... Puis Facebook, on met nos liens, mais on parle pas de ce qui se passe là-dessus, là. Tu sais, il y a comme des... Ouais. Il y a des affaires qui sont pas à deux... ça se parle pas à deux sens, puis ouais. Ça devrait, là. Sinon, ben, au podcast Mania, les gens en général sont vraiment heureux là, de où qu'on est rendu en 2016. Il y a vraiment là les gens qui font du podcast trouvent que c'est une grosse année puis que le podcast est plus gros que jamais. C'est pas mal ça que j'ai perçu. Mike Ward nous a beaucoup aidé aussi. Ouais. Les petites capsules là, il y a quelque chose qu'on a parlé, c'est l'émergence des podcasts d'humour. Oui. Alors, on a parlé beaucoup de Jamais Content, qui a été une révélation de l'année. Puis, tu sais, historiquement, c'était beaucoup les podcasts techno qui avaient la grosse partie de la pointe, là, en termes de quantité absolue de podcasts au Québec. Là, il commence à en avoir pas mal du monde. Je pense à WhatsApp aussi, un autre qu'on a reçu, Jérémy. Je pense que il a de l'air assez prolifique. Lui, il va être trop rapide pour mon niveau d'écoute, mais il va passer pareil. Je vais tout l'écouter, c'est sûr. Ouais. Là, mais lui, il va passer d'une batch. Là, genre, m'envoie au camping, puis si tu fais en fin de semaine, c'est ça que j'écoute. Là. Et il va passer dans le drain. C'est quand même 3 heures, je pense, ces émissions. Là. Je sais pas, il va falloir que je regarde ça. Je l'ai pas encore écouté. Je n'ai regardé une, mais j'avais pas comme payé cette vidéo, mais je ne peux pas rester planté devant une caméra, moi. C'est ça, j'ai vu des trucs vidéo. Là, c'est ça. Mais je suis un peu en retard. Je l'écoute en audio. Ouais. Ouais, ça, c'est, je me, c'est dans mes, ma to-do list. Ça prend trop de temps. Ça, c'est ça, je vais le faire quand j'aurai un téléphone qui va me suivre tout le temps ou des gens de Google Glass. Là. Ça, oui, ça. Ça, oui, il va toujours avoir un petit écoute sur le bord. Ah, oh, c'est intéressant, ça, je vais l'écouter. Puis le résultat, je vais faire mes affaires. Oh, c'est intéressant, ça, puis c'est beau, je vais faire. Yes. Ouais. Sinon, moi, ben, moi, ce que je pense, là, c'est que c'est pas si incroyable, là, la situation du podcast. Là. Ça, c'est mon avis à moi. Là. Je trouve pas là, que le podcast au Québec. Là, on reflète pas encore. On n'est pas comme les États-Unis, tu sais. Puis c'est pas une question là, qu'ils sont plus nombreux aux États-Unis. Puis je veux dire, le média, il est pas encore connu. Si tu vas sur la rue, là, puis tu demandes aux gens, savez-vous c'est quoi un podcast? En écoutez-vous? Ça va toujours être non, là. Tu vas être chanceux si tu tombes quelqu'un par hasard qui c'est un fan de podcast. Là, on est pas beaucoup. Là. Même, sais-tu, moi, des fois, moi, ben ça, on entend souvent parler de ça, là, mais même aux États-Unis, je doute que ce soit. Il y a du monde en salle aux États-Unis. Là. C'est sûr que tout le monde parle anglais, tout le monde. Fait que, mais tu sais, tout le monde a, je sais pas, moi, 2 millions de téléspectateurs, ben, en tout cas, d'écouteurs. Mais c'est tous les mêmes millions qui écoutent des podcasts. Là. Ils sont tous comme nous autres, là, qui sont tous en train d'écouter l'un puis l'autre. Puis, fait, mais tout le monde a un million. Fait que... Mais c'est une autre culture, le podcast. Il y a des sportifs qui font des podcasts. Il y a des animateurs, des vedettes, des musiciens. Il y a toutes sortes de monde qui font du podcast aux États-Unis. Ben, comme si tu prends le ratio du monde qu'au Québec et le monde qu'aux États-Unis, là. Au nombre, là, à date, on est quoi, 150, 200? Là, puis moi, j'évalue au moins 300 podcasts au Québec. Mm-hmm. Que, dans ceux qu'on connaît pas, il y en a qu'on va diminuer un moment donné. Là, puis, mais notre population, puis grossis-nous, dans le fond, toute proportion gardée, là, je pense qu'on est quand même pas si pire. Mais c'est pas tant de ça que je parle. Québécoise. Ouais. En fait, moi, Québec, c'est ça. Québec est pas gros, là. C'est que le podcast indépendant, tu sais, avec peu de moyens, là, comme moi je fais, puis comme on fait, là, ça va très bien. Et ceux qui sont très là, dans l'underground, puis qui recherchent des choses comme ça, un peu là, cachées là, quasiment, puis qui se plaît à écouter des trucs rares comme ça, mais pas juste ça va bien. Rares, c'est juste des choses qui... Ouais, ok, ouais, je te laisse aller. Ouais. Sauf que des podcasts, tu sais, grand public, là, un genre de tout le monde en parle, là. Ouais, podcast, des gars éclatants, là. Ouais, c'est ça. Un variété, là, podcast, là, qui a des groupes rock invités, des grosses entrevues, là, avec... Bien dirigées, là. Ouais, ouais, des grosses entrevues aussi avec des grosses pointures, là, genre avec le premier ministre Couillard, là, qui va donner une entrevue à tel podcasteur, là, parce que crime, c'est incontournable, là. Ouais. Tu sais, même les politiciens, là, Denis Coderre, là, qui... Il va répondre aux questions des citoyens dans un podcast. T'sais. On n'est pas là pantoute. Là. Moi, non, c'est ça. Ben, moi, c'est ça. Le seul que je verrais là, à date là, qui peut le faire facilement, ce serait Yann. Ouais, ben lui, ça va bien son affaire. Lui, ouais, c'est un ça, cas. C'est ça. Parce que là, moi, il parlait à moi de faire des entrevues. Puis là, ben là, il voulait les mal aimer puis tout ça. Mais genre ça, lui, là, son podcast là, demain, ben, tu sais, hier, là, ça aurait été d'aller voir Hillary Clinton puis de dire, écoute, là, on va se faire un podcast les deux. Tu sais, t'es la mal aimée. Là, tout le monde court après le gagnant. Là. Moi, je cours après le cheval perdant là, qui fait qu'on a perdu un sabot puis ça n'a pas bien été. Puis bon, tu sais, veux-tu qu'on en jase? Tu sais, je suis là pour ça. Ben, tu parles du stream, là, des ouais, podcasts comme ça. Mais c'est là, parce que Yann, tu sais, il a une gueule, il est capable de parler puis d'aller faire parler le monde. Puis, tu sais, il y a Hachem Seb aussi qui est un peu comme ça. Hachem Seb, très bon. D'ailleurs, les... je l'ai rencontré puis je l'oubliais, là. J'y ai servi la main. Puis je l'adore, ce gars-là. Il a fait son le shower, là. Il a fait une émission du shower. Ouais, il est très, très pro, ce gars-là, là. Puis il est très... très professionnel, puis c'est très bon le Charles. Ah oui, il a de l'air d'avoir tout quand même digne. Hein? Ça, ah ouais. Ça, puis un militaire, c'est pareil. Je serais pas capable. Je l'admire, là, mais je serais pas capable de faire ce qu'il fait. Ouais, ouais. J'ai entendu dire qu'il se montre des dossiers là, sur ses invités. Là, quand il le reçoit, là, il est prêt. Là. Ah, c'est cut! Ouais, ouais. Puis, tu sais, on l'avait passé en entrevue, puis tu sais, c'était comme, ben, tu sais, je fais un petit peu de recherche, là, mais tu sais, c'est un gars qui a une culture générale incroyable, puis. Ouais, ouais, c'était bon. J'étais pas là dans cette époque-là, mais je l'avais écouté, là. Mais ouais. Mais qu'est-ce que j'allais dire? On parlait du stream, là. un podcast là, qui a une structure là, puis qu'il y a un son radiophonique là, puis c'est professionnel ce stream là, ce podcast là. Des comme ça, il y en a pas une tonne quand même. Tu sais, un Talbot comme un Mike Ward, ça, c'est deux gros là, tu vas dire. C'est deux forts. C'est des gars qui ont commencé il y a longtemps, puis soit qu'ils maîtrisent maintenant très bien les outils, comme peut-être dans 10 ans, on va bien les maîtriser aussi. Parce que là, nous autres, après, tout est nouveau. Là, moi, toutes les fois que je viens pour brancher, il y a toujours des settings différents qui ça, j'ai jamais vu là. Ben, je pense qu'il y a une expertise, effectivement, l'expérience qui est rentrée là-dedans, puis la passion, puis le temps aussi. Il faut mettre du temps, là. Tu y échappes pas, là. Ouais. Mais en tout cas, c'est toute une réflexion qu'on a eue, puis on l'a poursuivie ici un peu. Sinon, moi, peut-être une idée que j'avais, là, c'était au niveau peut-être de proposer, là, j'ai quelque chose en tête là, par rapport à ce qu'on vient de dire, là, qui serait peut-être de proposer un genre de campagne de socio-financement qui pourrait peut-être être fait par l'association des podcasteurs, là. Alexis, là, de La Pomme. Ouais. Puis d'autres, là, je ne sais pas qui exactement est là-dedans. Là. Il y a comme une association, un OSBL qui veut aider. Oui. Ils ont un studio, là. Alexis m'a parlé de ça. Il m'a-tu parlé de ça? En tout cas, lui, il m'en a parlé. Je sais pas s'il y en a. Il en a parlé à La Pomme des fois. OK. Non, ça, je m'en parle. Ça fait partie de mes convictions. Tu sais, pourquoi je fais du podcast? Pourquoi que je m'implique dans Parlons Balado? Pourquoi que je communique avec plein de monde en Europe? Puis que, bon, en tout cas, name it, là, mais anyway, je m'amuse, là, c'est ça, là. C'est... Ben, eux, ils veulent promouvoir le podcast, mais tu sais, sans promouvoir un podcast en particulier, ils veulent promouvoir le podcast. Et je pense que ce qui pourrait être vraiment le fun, là, je lance ça dans l'univers, là, ça arrivera peut-être jamais, mais c'est de monter une espèce de campagne publicitaire, là, vraiment, là. Ça, moi, j'investis, moi, je paye. Ouais. Je paye pas pour rien pour mon podcast, mais ça, oui, je veux payer, moi, pour une communauté, c'est je veux... OK. Pour la communauté, exactement. Pas, on va se garder ça pour un piqueux. Oui, justement, pour la communauté, donc, l'idée, là, de la campagne, ce serait juste de faire promouvoir, de faire connaître c'est quoi un podcast, comment on en écoute. Et là, je parle là, des annonces à TV, à radio, les annonces YouTube. C'est ce que je te disais tantôt. Une vraie campagne là, complète. Là. Oui, cool, c'est ça. Moi, j'embarque là-dedans, 100 000 à l'heure. Ça coûte combien? Ben, OK, s'il faut 40 000, on le demande. Au pire, on fera les gens campagnes donnent pas, de sociaux. On le fera pas, puis, ouais. Qu'est-ce que la gang qu'on est, là, on est certain qu'on est capable de... Mets-moi un lien à quelque part sur Kickstarter, puis qu'il fait la job. Je vais dire, hey gang, esti, boys, ici, là, le style fou dans le lab, là. Ben, j'aimerais ça que vous embarquiez, qu'il fasse finance les cours de patin d'un tel, puis de voyage en Chine de l'autre, puis de. Regarde, cette fois-là, là, moi, Kriff, je vous demande de donner de l'argent pour les podcasteurs, puis tu sais, je vais en ramasser, puis ma blonde, elle va faire ça aussi, peut-être à sa job, puis elle va dire, hey gars, écoute, mon chum, elle a cliqué sur le lien, elle envoie au moins aux amis, puis elle a envoyé un petit 2$, un petit. Puis ça, gang, ben, toi, t'es mon oncle, t'es ma tante, puis Kriff m'a envoyé sur Facebook, hey gang, socio-financement, là, c'est pas des petits lins rasoirs, là, non, c'est Jean-Seb Podcast, le gars qui envoie des affaires et que vous comprenez rien, là. Ben, c'est ça. Ben, toi, tu parles d'un pote, là, qu'un pote ben, pour aller piger dedans, ça, c'est ben, une autre idée. Si lui en bac, s'il part, ben, je vais dire, gars, écoute, les gangs, moi, là, mais ce que je rêve, c'est ça, ben. Ça, c'est une autre idée qui est intéressante. Moi, je pose pas souvent des affaires de sur Facebook, puis tout ça, là, tu sais, je vais pas. Bon, c'est ça, les affaires auxquelles je crois. Je t'éclate là-dessus, puis les affaires de Tlin, les gars qui patinent de reculons avec, je sais pas, sa tasse de café, j'ai rien à foutre, puis... C'est ça. Ben, c'est pas mal ça. Je t'ai super dit. Non, pas du tout. Fait que, écoute, c'est parce que là, je vois le temps qui avance, on voulait oui, faire reste de quoi, de quoi pas trop petit, long. Ouais, rendu ça, à peu près à 45 minutes. C'est ça. Ça, c'était pas mal, ça, écoute... Sinon, peut-être une dernière chose qui a été discutée, c'est à quel point on déteste iTunes, qui est pourtant la référence. Mais Colin, quand vient le temps de... Tu sais, si on pouvait trier par langue française ou région Canada, quoi, au moins Canada, mais Québec, ce serait encore mieux. Ouais. Toi, là, c'est quoi tu voudrais voir... Je sais pas, comme plateforme, là, tu sais, c'est dans ta tête, là, ça doit pas être bien compliqué, là, me semble, tu sais, faire un software. En tout cas, dans la mienne, c'est pas compliqué, là. Mais ça me semble que ce que je demande, c'est pas trop dur, puis il y a quelqu'un qui pourrait nous faire ça, certain. Ben RZO, là, c'est pas mal top, son site web. Là. S'il peut reproduire ça en application, puis... Puis il y a quoi là-dedans? C'est quoi qui... c'est ça, moi, je vois pas souvent sur les sites. Moi, je m'abonne aux sites, puis ceux qui m'intéressent, puis je les écoute, là, je vois pas sur les sites. Sur l'ordinateur, j'ai d'autres choses à faire que de regarder ce que les autres font, à part une fois de temps en temps Facebook qui me mange en 2-3 heures, là. Moi non plus. RZO, j'y vois un peu, là, mais j'écoute moi, mes podcasts sur mon iPhone. Mais c'est à quel point c'est convivial, facile de naviguer, puis c'est vraiment bien fait. Mais sinon, moi, qu'est-ce que je voudrais, c'est pouvoir faire des sélections. C'est très difficile de trouver un podcast sur iTunes là, au hasard comme ça. Là. C'est tout de l'anglophone qui envahit la place. Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'aimerais ça pouvoir trier avec la langue, avec la région. Mais... Bon, on peut le faire avec les sujets, mais le problème, c'est ça, c'est que c'est tout de l'anglophone. C'est qui parlait l'autre fois qu'il y avait peut-être la reconnaissance vocale qui va s'en venir? De trucs de lecture d'articles, là, puis de journaux. Non, on va faire un podcast, si, en tout cas, ben, moi, c'est sûr qu'il va y avoir de la misère à me comprendre, des bouts, là, il s'agit que je parle, mais ben, de toute façon, je suis capable d'écrire en québécois, je suis très bien capable de m'exprimer en français aussi. Là. Ça va être écrit. C'est ça, tu vas pouvoir faire des recherches. Je cherche un podcast qui parle de... je sais pas, moi, des vinyles. Ben, il va reconnaître un mail qu'il y a nous autres dans le podcast que je suis en train de faire là, que je vais publier, ben qu'on a dit le mot vinyle. Fait que là, il va dire, ah ben là, tu sais, eux autres, ils ont parlé de vinyle, puis là, ils vont passer un petit bout de clip audio avant, après. Mm-hmm. Ça a-tu l'air à ça, ce qui t'intéresse comme recherche? Une recherche Google, là, mais sur des fichiers audio, on est capable de faire toutes sortes de fichiers. Ben, on est rendu avec des reconnaissances vocales. Il y en a un qui a passé, un Siri qui fait juste écouter le blabla qui se pose dans le podcast. Elle comprend rien de ce qu'il dit, mais elle dit, j'ai compris tel mot. Puis au pire, on s'en viendra peut-être avec des reCAPTCHA, là, tu sais, des reCAPTCHA, là, pour accéder à des sites web, là, vérifier si on n'est pas un robot, là. Ouais. Tu connais ça, ça? Oui. Ben, c'est ça. C'est souvent des tests pour les ordinateurs, là. C'est pour ça qu'il y a une partie que c'est le mot de passe, puis le deuxième mot, c'est quelque chose qu'ils connaissent pas. Fait que là, quand c'est des adresses de maison prises par Google, puis c'est pas gros, c'est un 419 ou un 479 ou... Fait que non, on te demande de dire bateau, puis l'autre, on dit c'est quoi qui est écrit sur le petit panneau. Puis là, tu dis 4, 1, 9, puis là, c'est ça que je vois. Ben, les autres, ils viennent de valider 50 fois. Quand ils l'ont posé 50 fois, ils disent oui, c'est vrai. Tout le monde, il y a 49 personnes qui disent 4, 1, 9. Fait que c'est ça que ça sert, des reCAPTCHA, là. C'est ce qu'ils vont faire avec l'audio. Ils vont passer à moi un petit bout d'audio. Puis qu'est-ce que tu as entendu comme mot? J'ai entendu telle affaire, puis tu vas leur dire. Puis eux autres, ils vont apprendre la diction, comme apprendre à... Dragon Naturally Speaking, là. Rien qu'à le dire, je suis pas capable. Là. C'est Dragon Naturally Speaking. Reconnaissance de texte, là. Tu parles, puis ça, après, ça écrit. Là. Ben oui, c'est une super bonne idée, ça. J'aime ça, moi, utiliser ça. Mais ça, il y a un quel poste sur ces podcasts. Pis... Moi, je pense que, tu sais, pour répondre à ta question, là, y a vraiment un vide à ce niveau-là, là, tu sais. Tu vas voir par langue, tu vas voir par sujet. Parce que je pense que, moi, je ne sais pas c'est quoi la solution parfaite, là, mais je pense qu'il y a une place pour une start-up là, technologique, là, une start-up informatique là, ouais. qui partirait un genre d'iTunes, là, mais vraiment bien faite, là, puis qui pourrait clencher iTunes, Google Play, ouais, puis des recommandations. Tu sais, moi, j'ai Pocket Cast, là. Ouais. Puis bon, c'est sûr, les autres, ils font la publicité quand je manque découvrir des podcasts. Là. Écoute, ça fait 2 ans. Ça doit faire 2 ans que j'étais avec eux autres. Là. Ça fait 2 ans que j'ai les mêmes. Là. C'est What the Fuck. Puis c'est des podcasts, là, les grands qui sont connus. Là. Mais non, c'est les petits, c'est les autres que je voudrais découvrir. Hey, t'as aimé Parlons Balado, puis tu vas peut-être aimer tel podcast. On a plein de suggestions. Ouais. Il faisait un peu, iTunes, il fait un peu, mais il reste que ça revire comme dans le même... Ben, tu sais, il ne fait pas grand-chose d'autre que toutes les mettre là, puis c'est rien ben, qui est possible de trouver. Il y en a qui sont abonnés aux mêmes choses. Que si tu t'abonnes à un tel, là, tu t'abonnes à France 2, ben ceux qui écoutent France 2 sont aussi abonnés à France Inter, sont aussi abonnés à Radio-Canada. Okay, tu veux dire, Suggestions. Je veux découvrir des podcasts avec ça. Moi, je vais avoir un algorithme. des Facebook, là, il y a des publicités que t'as, c'est toutes des likes que t'as faites, puis qui t'envoient des publicités qui sont liées avec ce que t'as mis sur Facebook. Ben, je vais avoir la même chose pour les podcasts. Si je t'abonne à certains podcasts, ben là, continue à m'auto-nourrir, à m'offrir des nouvelles choses qui pourraient m'intéresser selon mes choix, selon ce que j'aime, puis selon... Moi, je pense pas de le faire, mais j'imagine qu'on doit tourner en rond là, quand on fait ça sur iTunes. Là, ça doit toujours être moi, les mêmes. Tu vois, regarde, j'ai réagi cette semaine à un post de l'Eclectic Show. Ouais. Qui nous donne un genre de lien qui parle, qui va te chercher dans le fond tout l'algorithme de Facebook. Facebook sait que tu aimes, que tu es intéressé par l'agriculture, que tu es intéressé par les hautes technologies, tu es intéressé. Puis là, il y a plein de catégories de ça. Puis là, tu sais, c'est comme tout trié, là. Finance, là, administration. Puis là, il y a comme des sous-catégories là-dedans. Puis là, il y a des publicités. S'il y a quelqu'un qui a une publicité à faire, bien, il va l'envoyer à ces personnes-là. C'est vrai, c'est vraiment ce qui fait, c'est ce qui montre ce qu'on voit apparaître dans notre Facebook. Les publicités, là, c'est selon. Fait que moi, j'ai un ami qui est dans Beauce, puis qui a une ferme, puis une fois de temps en temps, j'ai liké ses petites vidéos de ferme, là, puis bon. Mais j'en ai. Tu sais, comme tel, je veux pas avoir des pubs de produits de ferme. Fait que là, j'ai été de faire un hostie de ménage là-dedans. Okay. Parce que là, moi, t'sais, tout le monde dit: oh, là, Facebook est en train de faire ton profilage. Et là, on va savoir où ce que t'es, puis ton téléphone à poche, là, il nous dit par où que t'as passé, puis on connaît tes chemins, puis que... Moi, le problème, c'est quand il y a des chemins qui interprètent, puis qui sont pas ce qu'ils pensent, ou qui m'intéressent pas. Moi, si je passe toujours par le boulevard Ramel, mais si tu m'offres un autre chemin qui est pas mal plus beau, pas mal plus vite, ben, je le prendrais. Mais là, c'est faut que tu me connaisses, faut que tu saches c'est quoi la trille que je fais, là, puis à job, à maison. Puis moi, dans le fond, ça me dérange pas d'être profilé, parce que je vais avoir l'information en fonction... de ce qui. Tu sais, en 10 heures, tu sais, Facebook, tu fais attention, là, tu sais, plus que. Tu vas toujours vous t'envoyer des choses que t'aimes, oui. Oui, puis je voudrais qu'il m'envoie des choses que j'aime. Moi, j'aimerais ça, moi, que quand la journée, je vais avoir un téléphone, là, je n'ai pas encore, là. Mais quand ils appellent ça téléphone intelligent, là, j'ai hâte qu'ils disent: hey, chez Pharmaprix, là, il y a une boîte de deux de chocolat, tu sais, que ta blonde, elle aime, là. Les Reese, là. Bon, écoute, ils sont en boîte de deux pour 2,5 piastres. Puis arrête là, puis juste pas loin, là, faut que t'ailles chercher la flûte à ta fille. Fait que, anyway, ça sera pas un détour. Puis ta commission que tu pensais faire vendredi, tu vas faire. Tu sais, à moi, c'est là. Là. Si tu connais ce que j'ai, tu sais qu'il va falloir que je passe à telle adresse pour ramasser un colis, mais que si mon colis il est prêt, ben, je pourrais aller chercher tout de suite en faisant un autre 2 pour 1. Puis, ben, si tu me connais pas, tu peux pas imaginer ce que je veux, mais si je te donne le profilage, que oui, ça, je suis intéressé, moi, envoie-moi des affaires de podcast, envoie-moi des affaires de science, envoie-moi des affaires de biologie, envoie-moi des. Mais vraiment pas des instruments de ferme, non. Je n'ai rien à faire. Un auto, là, c'est pas... Bon, là, la mienne, je trouve qu'elle fait des sons bizarres, là. Je vais pas en acheter une de suite, là. Mais tu sais, c'est ça. Là, je fais de la négation. Je veux pas voir d'annonce de véhicule. De toute façon, je ne les regarderai pas. Ouais. Puis de toute façon, même à ça, moi, l'achat d'un char, c'est pas parce que tu vas me le rentrer dans la gorge, non. Si moi, mon gars, je suis là, je vais chercher les feuilles techniques de tous les chars. Puis qu'est-ce que je veux dans tel, là? Puis là, c'est un Jeep, touche pas à ça, touche pas à ça. Chevrolet! Ah, c'est-tu béni! Puis là, t'as un autre, là, moi, j'ai été fait avec ça, j'ai fait la Tundra, oui, mais c'est OK. Fait que, tu sais, chacun a ça. Non, moi, je vais aller voir les specs que j'ai de besoin. Puis comme les podcasts, j'écoute les podcasts qui m'intéressent moi. Puis quand je dis au monde, ben écoute, dis-moi un sujet, là, je peux t'aiguiller, là, mais après ça, tu fais des recherches, tu vas en trouver sur ton sujet, c'est sûr. Là. Tout à fait. Fait que moi, c'est ça, un auto, un véhicule. Fait que moi, j'aimerais ça que la technologie me trace pour, justement, pour m'aider. On est tous TDA, puis on a tout un appareil, puis... C'est en partant, tu sais, je voyais le nouveau Pixel, là, que là, ils disaient, ah, là, l'interface, là, tu vas lui demander, est-ce que en quel rang sont les Canadiens cette année, là, tu sais, l'équipe de hockey, ben là, on va dire, les Canadiens sont 32e. Là, t'es pas obligé de leur demander, les Canadiens sont à quelle position, tu sais, c'est quand le prochain match? C'est quand leur prochain match? Elle se souvient que c'est les Canadiens. Griff, c'est pas pire, là. Ben oui. Moi, j'étais petit cul, là, puis j'essayais de faire des petits logiciels d'intelligence artificielle, tu sais, puis c'était bien basique. Tu dis, écoute, la machine est rendue qu'elle se souvient la question d'avant, puis qu'elle gère d'autres mondes pendant ça là. Après, avec moi à gérer, là, elle en gère des millions d'autres qui sont sur le téléphone et qui font des requêtes. Elle se souvient que moi, j'ai posé cette question-là, puis qu'il n'y a pas longtemps, je voulais savoir parler. Fait que, tu sais, ça s'en vient, mais pour ça, il faut arrêter de se cacher. Moi, je vais avoir des podcasts, je veux connaître plus de podcasts. Ben, je vais être capable, justement, comme tu dis, de pouvoir les filtrer par langue. Je reviens à ce que je disais. Il y a quelqu'un, quelque part, une compagnie qui pourrait là, créer quelque chose là, qui prendrait tout le marché. Là. Oui, ça parce, que, ça. Parce qu'il y a un vide. Là, on utilise iTunes puis les autres parce qu'on n'a pas le choix. Mais, il manque quelque chose d'intelligent là, par rapport à tout ce que tu viens de dire là, qui pourrait vraiment être fabuleux puis nous faire écouter de l'audio là, d'une façon... Là, faire des recherches là, vraiment là, intéressantes. Oui. Moi, j'ai goût d'écouter des émissions de podcast sur Neptune, sur il y en a, mais tu ne fais pas le tour de solaire pour savoir ce qui parle de ça. Je tape ça, puis bang, il m'en sort. En tout cas, je ne sais pas, là, mais faire des recherches comme ça, parce qu'il y en a du contenu, là, mais il est dur à trouver, il faut travailler fort. Se préparer, tu sais, moi, je voulais parler de Mars ou de... Bon, tu voulais parler des requins, ben, ce serait fun de dire quels sont les... Je vais m'instruire avant de parler, je vais aller prendre des informations qui existent d'ailleurs. Fais-moi une recherche sur ceux qui parlent des requins, ben, on ne l'a pas, cet outil-là. Parce que moi, tu vois, je fais mes capsules de connaissances, là. J'aimerais ça un jour qu'on fait des recherches sur un sujet, disons, ben, moi, c'est bien gros géographie, astronomie aussi un peu. Quelqu'un fait une recherche sur les océans, ben souvent, ben, on va aller dans les bibliothèques. Quoique, on y va de moins en moins souvent, là, mais disons, traditionnellement, on allait dans les bibliothèques. Sinon, là, on va beaucoup sur Internet. Puis pourquoi pas aller dans une espèce de banque de podcasts pour faire une recherche sur un sujet là, approfondi, là, puis que ce soit dans le cadre d'un travail scolaire ou juste quelqu'un qui s'intéresse à un sujet bien pointu. C'est ça, dans une recherche Google ou Wikipédia. Puis... Mais de chercher des podcasts, tu sais, pour s'instruire, là, de la même façon qu'on cherche un livre là, pour s'instruire, là. Je sais pas si tu comprends. Ben oui, c'est ça, mais même les jeunes, justement, tu sais, pendant qu'ils font des recherches, justement, sur Neptune, ben là, oui, quand il est sur l'ordinateur, il va consulter des photos, des sites de référence, mais après ça, oui, tu vas en parler de Neptune, tu es un exposé oral, là, on va te nourrir. Pendant que tu prends l'autobus, là, ben, au lieu de flipper les pages Facebook là, ou même sur n'importe quoi, ben écoute un podcast qui va parler justement de la conférence. Fait que là, s'il y a un petit jeune qui parle, ben, il y en a un qui fait son exposé, puis s'il y a un enfant qui te pose une question, c'est quoi la gravité sur Neptune? Oh, c'est vrai, ce que je l'ai entendu dans un podcast un matin. T'sais, je l'aurais pas prévu dans mon exposé oral, mais je l'ai la réponse. Mm-hmm. Pourquoi pas? Exactement. Parce que tu as écouté un podcast un matin qui des personnes vraiment qui connaissaient plus ça probablement que toi ou qui connaissaient ça comme toi. C'est ça. Ça serait le fun d'avoir ces références-là. Un astronome tu sais, qui a fait ce podcast-là, un biologiste qui a fait tel autre, ça devient des sources crédibles d'informations. Oui, puis fois, c'est pas nécessairement des spécialistes. Ça peut être juste un amateur, juste quelqu'un qui connaît ça. C'est pas mon métier, mais... Tout à fait. Tu fais tes recherches, puis tout le monde peut bâtir un podcast sur le sujet qu'il veut. Il suffit juste d'avoir la passion, puis tu choisis un sujet, tu fais tes recherches, puis... Tu sais, podcast science, c'est néant, ça, qui sont rendus à 200-300 podcasts sur... Puis c'est des personnes comme toi puis moi qui disent « Hey, moi, j'aimerais ça te parler de telle chose », puis j'arrive avec mon document, mon exposé qui est préparé, t'as fait tes recherches, t'as fait... C'est vraiment comme une recherche d'étudiants, puis tu dis « Bon, ben, je m'en vais là, puis je vais vous faire mon exposé oral qui est prévu, puis là, les autres, ils vont te poser des questions, puis dans le chat... » Puis pendant ce temps-là, ben, pendant que tu as monté ton métier, ton dossier ou que ce soit juste ton métier, ben là, il y a du monde, des fois, eux autres aussi, qui prennent des questions sur Facebook, puis sur, ou, je sais pas, je pose quoi, sur le chat. Là. En tout cas, il y a un chat quelconque. Puis à un moment donné, puis là, il y en a un en plus qui fait des dessins. Fait que là, quand il parle de, je sais pas, Neptune, ben là, il sort une expression. Puis là, il y en a un qui se met à dessiner, puis il pose ça sur. C'est le feed. Puis ils sont super drôles à écouter. Tu peux les écouter live, comme. Puis, faut. C'est ça, faut juste les découvrir, ces podcasts-là, puis je les veux. Tout à tout à fait. Ça en est un bon, ça. Fait que pour finir, tu veux-tu nous parler un peu de ton espèce d'idée là, de coopérative? T'as comme la une commune, idée, toi. Ouais. Ouais, ta commune, t'appellerais ça comment, la petite commune? Moi, j'avais trouvé un nom en fin de semaine. Ça fait un petit bout que je l'avais trouvé, mais là, tu cherchais comme. Là, c'est comme. Ah, par procuration. Ah oui, OK. Qui, ben là, ça n'a rien de fait, là, mais ça fait partie de tout un univers. Ben, tu sais ça, tu parlais de Balado Québec qui s'en relançait. Moi, ça, je vais avoir. Moi, souvent, je vais dire que je veux pas payer pour le podcast. Je veux pas payer pour. Bon, j'ai acheté un micro, j'ai acheté des petites babelles, mais après ça, pour acheter un logiciel, pour acheter. Juste pour avoir une place pour mettre mes fichiers. Tu sais, tu es obligé de te prendre un site web, puis là, ben, tu es obligé de payer un www, puis là, ben, ça te donne une boîte à mal, ça te donne un espace pour mettre tes fichiers, de faire un petit blog, puis de. Bon. Puis là, tu sais, des fois, ça ne tente pas de tout monter ça. Ben, moi, je me cherche justement une place comme ça. Ou est-ce que ça me dérangerait pas de payer un service? Ou est-ce que je suppose que ça va me coûter 20$ ou 30$ par année? Là. Mais que là, à ce moment-là, genre, tous les logiciels de montage, avoir une place pour héberger mes fichiers audio. Avant, j'avais Google Drive. C'est ça, mon projet, moi, c'était de monter ça avec G-Drive. Puis avec un blogueur. Puis le monde me pose leurs affaires. Puis je le mets là-dessus. Puis t'es pas obligé de créer un fil. Non! Crée un fichier audio, envoie-moi-le, puis moi, je vais le mettre sur Internet. Casse-toi pas la tête. Après ça, tu auras juste à piquer sur ce lien-là. Puis la personne qui va découvrir ça, ben, elle va découvrir Mathieu, qui d'habitude fait des capsules de savoir, des affaires de science, mais que là, il aimerait ça faire un podcast pour nous parler de pêche, ou de son quatre roues, ou de. Mais que dans son podcast, dans le podcast qu'il fait, ben là, je peux pas mettre ça là pour faire un podcast pour 2-3 émissions peut-être par année. Non. OK. Fait que toi, ce serait un fil RSS qui s'appellerait, disons, la commune ou la procuration. Là. Ouais, c'est par ça. Quelque chose que. Ben, moi, c'est le nom qui m'est venu. C'est comme Épicure. Ah. Moi, ça m'est venu de même. Bon, ben, c'est par procuration. Disons la commune, je trouve ça bon. La commune là, aussi, j'adore. Puis là, t'aurais un fil là, de ta commune. Là. Toi, tu dirais, tout le monde là, qui. Vous autres, faites-vous un petit audio de votre émission, là. Cassez pas vous la tête avec le logo puis toutes les autres affaires, là. C'est ça. Vous m'envoyez ça, puis moi, j'ai un fil, là, de la commune. Moi, je vous publie, là, tu sais. Si vous c'est en ça. Faites un par deux mois, là, un par année, là, je vais le mettre, là. C'est ça. Si ça devient, justement, pas des choses, ben même des réguliers. Ne serait-ce que, tu sais, une fois par mois, je pense que ou c'est un fil de. Tu sais, dans le fond, si ça devient tous les jours, le petit bonheur, ben oui, si tu le fais, mettons, de 3-4 minutes, là, tu sais, ça commence à être pas pire, là, mais là, si ça commence à être tous les jours, qui est trop long, un petit 3-4 minutes entre un podcast et un autre, ben tu sais, ça se passe, c'est ce que j'écoute. Moi, tu sais, il y a plein de podcasts, des fois, je vais écouter, puis qui sont vraiment pas longs, puis. Ouais. Hop, c'est beau, ça passe, là. Fait que ce fil RSS-là, de la commune, serait un genre de station de radio qui aurait toutes sortes de podcasteurs. Un après l'autre, toutes sortes de sujets. Ouais, puis des connus, de des indépendants, du monde qui ont juste une émission, puis ils posent ça. Tu sais, moi, ça, mon pote, tu sais, même toi, tu es occasionnel, là, tu poses pas toutes les semaines, tu poses pas tous les mois. Eh non, moi, je suis comme. Tu prépares ton document, puis quand il est prêt, ben, tu l'envoies. Puis là, ben, tu sais, là, le monde sera obligé de s'abonner à toi. Là, il y en a combien qui vont s'abonner à toi, qui vont trouver c'est qui Mathieu Rancourt, qui vont trouver Capsule de connaissances. Comment tu fais pour. Fait que là, tu sais, s'il y en a un qui fait comme regrouper plein d'affaires, ben le monde s'abonne au flux. Puis à ce moment-là, ben tu sais, dans le fond, en faisant ça, c'est comme si t'abonnais au fil de RZO, là, H2O, là. Ouais. C'est la même chose. C'est juste que idée. Tu fais pas, tu sais, puis dans le fond, tu fais pas full publicité, là. Le fil va se connaître, puis. Prévois que tu vas générer beaucoup de publicité parce que tout le monde qui publie là-dessus vont faire leur publicité de ton fameux. De ta commune. Fait que ben ça va faire boule de neige, probablement. Là. Fait que ben, ça va donner un fil. C'est chacun des imitateurs, c'est chacun des animateurs de chaque FM qui font la publicité de chaque FM. Puis là, c'est tous les collaborateurs, c'est toutes les. Il y en a des fois qui vont être 3-4 à faire ça. Ben, eux autres, sur leur fil, vont faire la publicité. Faut vraiment diffuser. Faut vraiment que ça se parle. Si ça reste local, tu sais, ma mère a fait une artiste. Puis mon père, il a posté une affaire qu'il avait faite une exposition à Place Laurier l'année passée. Puis que. Là, c'est pas pire. Moi, je retweet ça sur. Tu sais, je refais un reply à ceci sur mon feed. J'ai quand même une couple de 200 personnes qui ont des chances de voir ça, que ça peut peut-être intéresser quelques artistes qui sont là-dedans, que je sais pas c'est qui. Ben non, je peux pas le diffuser. Moi, je viens de partager. Puis, tu sais, ça va être partagé juste avec les personnes que ton père y a choisi. Ah, Criff, il vient de faire une belle pub. Je pluguais ma mère, tu sais, qui vend des œuvres à travers le monde. Puis, bon, il y en a peut-être deux, trois qui vont dire, hey, c'est qui ça? Ah, ben oui, tu sais, je trouve ça beau ce qu'elle fait. Ben, je l'achèterais. La publication n'était pas publique, là. Ben non, il l'a bloqué à la famille. Ah, alors, ben, tu sais, c'est bien. Ma mère ne peut pas être connue. Il émet ça à notre petit groupe. Hey, on dit, je partage, je mets juste dans pardon balado. Puis ça, c'est un code secret, c'est 369. Là, tu peux aller là. Là, tu vois là-dessus, tu vas découvrir plein de podcasts. Non, je veux pas que ce soit ça. Ça va pas loin. Ben, ouais. Ben non, c'est ça. Puis faut. Mais des fois, ce que je dis, là, il y en a qui. Je suis sûr qu'il y en a qui vont le faire. Là. Faites des graffitis dans le temps. Là, quand on était jeune, il y avait des graffitis. Là. Mm-hmm. Écrivez des podcasts. Là, bon, ils vont l'effacer de toute façon dans 6 mois. Puis. Ouais. Mais tu dis non, il faut être capable de le diffuser, il faut le mettre, il faut que ça se passe, ça jase. Puis à un moment donné, c'est une bonne idée, ton puis avec de les commune. Outils, tu sais, avec les outils que tu comme tu rêves toi aussi de pouvoir découvrir, installe ça, ça coûte rien. Des fois, je trouve ça plate, moi, le petit logiciel, là, Pocket Cast. Tu fais juste dire, écoute, 10$, c'est juste une fois, mais ouais, mais si je l'aime pas, tu sais, tu l'essayes un mois, mais. En fin de compte, ben là, après ça, t'es obligé de payer. Non, je veux pas payer. Le monde veut pas payer pour les affaires. Je suis sûr que c'est pas tout ça. Ouais. Ça prend quelque chose, ben, qui est gratuit. T'as lancé ton idée dans l'univers. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve à date, là, ce qui manque vraiment, c'est une place pour mettre des fichiers. Ça coûte rien. Ouais. Ça coûte rien. Ben oui, pour moi, ça coûte cher. Mais pour un organisme, un OSBL, là, as-tu l'adresse? On le mettra dans les notes. Non, je sais pas. Ça, c'est l'association des podcasteurs. Je l'ai entendu. Il a parlé. À date, il a dit que c'est une coquille vide, mais tout est là. Ouais. Tout est là. Il reste juste à le prendre et à le faire vivre. Dans le fond, c'est ça qu'il disait. Non, mais des fois, lui, il a d'autres chevals de bataille. Puis là, à date, il n'est pas là. Un jour, ça va être ça. Mais il dit, s'il y en a un qui veut prendre et commencer à bouger, cet OSBL-là est là. Ben écoute, nous autres, on a lancé plein d'idées. Là, fait que, tout le temps. On donne ça, là, c'est gratuit, on lance ça. Ouais. Puis écoute-moi. Ouais. On va demander au feu de l'esprit là, qui nous. qui envoie qui nous ça connecte, dans l'univers, qui nous connecte avec les anciens, là, puis les petits gris. Là, la stratosphère. La stratosphère. Là, puis que je vais avoir beaucoup d'énergie pour que le podcast se fasse connaître, puis que ça soit simple pour n'importe qui. Parce que le monde en entend parler, mais c'est trop, beaucoup trop compliqué. Puis. Ben, c'est des belles paroles, puis moi, il va falloir que je jaserai avec toi ne toute la nuit. Pas, mais il va falloir qu'on mette un terme, malheureusement. Ben oui. Magnifique émission. C'est moi, en tant qu'animateur, devrais faire ça. Ouais, je sais bien, mais là. C'est les invités qui se sauvent, c'est correct, ça. J'ai des obligations, puis. Fait que c'est super. J'ai hâte de reparler avec nos amis de Parlons, par le balado. Là, ça va reprendre sous peu. Là, on a fait une petite pause. Ça va reprendre. Pour ceux qui ne savent pas, là, on a eu une pause parce que notre maître Max était très occupé. Mais ça revient bientôt. Ça n'a pas trop paru parce qu'il a continué à publier. Mais là, on n'a plus de réserve en ce moment. Non, c'est ça. C'est pour ça que, dans le fond, on avait parlé. Puis, tu sais, il veut nous autres, moi, toi. Ça pourrait être Yann, ça pourrait être n'importe qui, Chuck. Go, écoute, puis là, tu sais, moi, gars, j'ai du monde que je veux rencontrer. Il y a des gars de son avec qui je veux jaser. Ben, s'il y a personne, c'est pas grave, je vais faire une émission avec eux autres, puis je vais le pitcher sur Parlons Balado. Je fais comme partie du consortium, puis toi aussi, s'il y a du monde que tu connais, ben ouais. Écoute, à moi, t'as une occasion d'enregistrer, t'enregistres, puis on met ça sur le fil. C'est ce que Max veut, puis c'est ce qu'on y offre. C'est ce que. Ben là, tu vois, on a pris une initiative. On sait pas si on va se ramasser dans Parlons Balado. Peut-être. Pas grave, sinon c'est sur Épicure, c'est sûr. Sinon c'est sur Épicure, ça c'est certain. Fait qu'on va voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Avec toutes tes capsules, vite, avant que tu te sauves, là. J'ai vu que tu avais continué à. Ouais, j'en ai fait une récemment. J'en ai une qui a passé, là. Ouais, que j'avais déjà écrite, mais que je l'avais pas encore fait, là. C'était sur l'atmosphère terrestre. Là, je vais en faire une autre sur la couche d'ozone. Je suis en train de l'écrire, là, mais ça me prend un temps fou. Là. J'écris ça à une vitesse de tortue, mais ça va venir. Un scripteur, t'aimerais-tu ça? On met ça, on envoie ça au feu de l'esprit. On va avoir un scripteur pour aider à bien phraser. Il va pitcher ses idées. Là. Mathieu va pitcher ses idées. Puis là, il y a quelqu'un qui va tout mettre ça beau, puis tout rythmé. Ben oui, fait que c'est ça. C'est de l'ouvrage en tabanouche. Là, c'est beaucoup d'ouvrages. Fait que je continue à la façon d'Épicure. Quand j'ai le temps, je le fais, je l'enregistre, puis je le publie. Je sais pas si ça va être quand le prochain qui va sortir. Ouais. Je sais pas. Je suis rendu comme toi, là. Ouais, c'est ça. Mais moi, c'est ce que j'ai retenu, entre autres, justement, des cours, là, ceux-là qui donnent des cours de podcast là, sur Internet, là. C'est parce que là, je cherche le nom, c'est parce que je suis en français. Ils sont en anglais, là, mais ils font The Audacity du podcast, puis bon, ils sont 4-5 de même que j'écoute, là. Mm-hmm. Puis, tu sais, oui, tu sais, ils disent tout le temps la rigueur, puis bon, tout ça. Mais attends pas de partir, attends pas d'être prêt, pars ton podcast, rouvre ton... Après ça, le flux, il est ouvert. Même si tu poses trop 6 mois, c'est pas grave. Mm. Il est là. Ton fil, il est ouvert. C'est de commencer le podcast. Une fois qu'il est ouvert, après ça, là, tu iras à la fréquence que tu veux. Oui, il y en a qui sont crinqués puis qui font ça tous les jours, puis il y en a qui font ça toutes les semaines, puis il y en a qui font ça 2 semaines. Il y en a qui arrivent puis qui partent. Puis je pense que ceux-là qui sont là comme pour longtemps, qui, bon, ben moi, tu te dis, gars, j'ai un sujet, je le fais, je le... On peut pas tout produire. On a toute une vie. On peut pas tout produire en cochon. Non. Ben, puis c'est ce monde-là qui sont durs à trouver parce qu'il y a une très petite diffusion. Tu sais, toi, t'es petit. Probablement qu'il y a bien des vues que tu as été chercher parce que tu fais partie de Palom Balado. Sûrement. Parce que tu as jasé avec ça. Plein de c'est qui ça, Mathieu Rancourt? Ils vont voir. Hein, capsule de savoir. Puis là, capsule de connaissance. Puis c'est. Moi, je le vois, tu sais. Sinon, avec le monde est très petit. Au début, tu sais, ça part tout le temps bien bas, là, les downloads, là, quand tu commences, là. Quand tu pars ton flux RSS, là, ouais. C'est pas facile de partir. Ah ouais. Mais je vois juste ça augmenter. Puis quand j'en sors un, il y a toujours plus de monde qui vont l'écouter dans les premiers 7 jours. Moi, je regarde les premiers 7 jours. Après, okay. Le cumulatif, tu sais. Ça vaut ce que ça vaut, mais les premiers 7 jours. Ah, tu vois, moi, c'est vrai. C'est pas le 4 jours, moi, que je vais voir. Ouais. Moi, c'est le cumulatif. C'est de voir après. Ben, cumulatif, c'est bon, mais tu sais, il y a ça, un. Non, c'est parce qu'à toutes les fois, ça veut dire que c'est du monde qui vient de me découvrir. Ouais. Si j'étais à 58 il y a 6 mois, puis là, je suis rendu à 59 ou 60, hop, il y en a deux qui ont peut-être découvert toute ma série. Là. Ils viennent découvrir. Ça se peut qu'ils ne les réécoutent pas, puis c'est là que je vois justement que ça monte, mais ça monte très, très bien. C'est sûr que moi, j'ai. Écoute, je n'ai peut-être 40 des abonnés. Là. Fait que, tu sais, c'est pas une masse, mais je suis zéro sur les réseaux sociaux. Là. Moi, c'est le monde qui me trouve. Puis quand même que je m'égosillerais sur les réseaux, il y en a en masse qui s'égosille. Moi, le monde, ils vont me découvrir dans le temps comme dans le temps. Puis s'ils sont dus pour découvrir le podcast, c'est sûr qu'ils vont tomber sur Balado, sur Parlons Balado. Ouais. Puis ton podcast va continuer d'évoluer. Puis tu sais, tu le gardes en vie. Là. Puis à un moment donné, là, tu sais pas jusqu'où ça peut aller. Là. Non, moi, je m'étais déjà mis à halluciner, tu sais, comme Languirand, tu sais, gars, tu sais, il faisait des émissions, puis tu sais, c'était un grand penseur, puis c'était... Oui, ouais. Tu sais, pourquoi pas m'amener à être, tu sais, dans 20 ans, ouais. Mettre encore un vieux radoteur qui est à radio, puis que, bon... Toi, si t'aimes ça faire ça, tu sais, il y a quand même du monde qui t'écoute, là, c'est quand même précieux, là, disons que t'es 40, là, ben, ça vaut de l'or. Je veux dire, tu fais ton émission, puis il y a quand même 40 personnes, là, ouais, personnes que tu connais pas, là, qui t'écoutent. Là. Mais il y en aurait 25 000, puis ça serait pareil. Tu ferais la même chose. Je ferais la même chose, puis... Bon, oui, peut-être que ça motive plus. C'est sûr que ça motive peut-être plus. Parce que, mais anyway, c'est qu'à ce moment-là, probablement que tu es plus présent sur les réseaux, tu as plus de pression, tu sais, le monde, hey, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Moi, là, Sylvain Grandmaison, là, j'ai été longtemps à l'achaler. Là, j'avais peur qu'il débarque, ce gars-là, des réseaux. J'ai dit, hey, tu sais, il est parti, puis là, mais il y a eu un bébé, puis là, Griff, il est en refaire comme les autres qui sont, tu sais, qui embarquent, puis non, hey, man, tu sais, c'est d'un premier que j'ai écouté. C'est d'un premier gars que j'ai envoyé des emails. Puis que, hey man, tu connais ça, les audios, toi? Des sagas, tu sais, des affaires qu'on écoutait des années 40. Là. Ben, tu sais, il n'en connaissait pas, mais il m'a aiguillé. Puis à partir de là, tu sais, j'ai tout trouvé. Puis Non, tu sais, puis il y a tellement un beau parler, puis fait que, tu sais, il y a du monde que je veux pas voir disparaître. Je veux pas voir les podcasteurs disparaître. Puis oui, il y en a que j'écoute pas, mais il y en a qui peuvent peut-être les intéresser. Puis il y en a qui sont des incontournables. Gugli Minetti, ça en est un, Sylvain Gramaison, Yann Thériault. Mais on les entend partout. C'est les petits qu'il faut qu'eux autres doivent parler. Ben, c'est sûr, c'est sûr. Fait que je te laisse. Alors, conclue ça, voir cette émission-là comme un roi. Je sais pas comment il finit ça. Je sais pas comment il finit ça. Ben là, la tonne de l'invité. Qu'est-ce qu'on fait ça? T'avais-tu prévu une tonne? Ben non. Moi, je vais juste en profiter. J'ai un tonton, j'ai retrouvé un vieil album d'un de mes tontons. Puis, je vais mettre ça, je sais pas laquelle. Fait que toi, t'as une tonne? Ouais. C'est quoi ta toune, toi? Je ne sais pas quelle toune que je vais mettre. Je vais la trouver. Là, je suis en train d'aller dans la control room. Au pire, je vais la rajouter. C'est Expédition, mais c'est parce qu'il faut vraiment les écouter. C'est du vieux blues rock. Okay. Il y a des gars qui étaient sur les shows, qui étaient avec Plume. Ils ont fait des affaires avec Plume La Traverse, Offenbach. Fait que le groupe, c'est Expédition, c'est ça? Ouais, c'est Expédition. Bon, okay. Ils ont fait un album en 72. Le gars, il a fait ça. C'était un show live. Puis, ils ont enregistré ça, je pense, la semaine d'après, ils se mariaient. Puis, tu sais, c'est vraiment du blues rock. Fait que ça, je vais en trouver une, je vais la mettre. Ben, une toune d'Expédition. Moi, j'ai fait mon choix, là. Moi, non, Gilles, en passant. OK. Fait que moi, je suis allé dans le control room, je n'étais pas très certain du titre, mais In Flames, je ne sais pas si tu connais ça, mais c'est un maudit bon groupe. Puis, ils viennent de sortir une chanson qui s'appelle Save Me. Okay. C'est une chanson de leur... C'est nouveau, parce qu'ils sortent un album, je pense, ce vendredi. Là, les gens qui vont nous écouter, je ne sais pas quelle date qu'on va être rendu. Mais on est le 10 novembre 2016... tabarnou, je pense qu'il sort demain le 11. Fait qu'en tout cas, In Flames, Save Me, c'est un de mes groupes préférés. Puis en plus, je vais aller voir en spectacle. Hey, c'est concept. Ah oui? Je vais aller voir le 22 novembre, c'est ça? Au Metropolis. C'est un groupe, là, c'est du métal. Là. Faut aimer le métal. J'étudie, c'est 22 novembre, Metropolis. In Flames, Save Me, la chanson est superbe. Ah ben super. Fait qu'on va faire jouer ça. Puis je pars avec la petite clause de fermeture de parlons balado. Parlons épicure. Parlons balado, parlons épicure. Salut Matt. Salut. We'll be right back. Yes, I've got the blues in the morning with my woman in the room. I'm gonna drink all night, baby. Try to forget my old woman gone. You know my baby left me last night. Just can't find the reason why. Yeah, my little woman left me last night. I can't find a reason why. She took a coat and said, I'm leaving. Opened the door and said goodbye. So fine. The way you love me, when you make me lose my mind. You know, I went to your place, but you weren't there. So tell me, woman, where were you now? You weren't dancing now, baby. Well, tell me something, honey. How come I was invited at your party? Were you mad at me or something? Shut up, baby! You got it all wrong, I'm telling you. I know what you mean, you know. You mean that sexy woman with her beautiful blue eyes and her long, long blonde hair. Well, let me tell you, baby. You know that girl? She's only my cousin, I'm telling you. Now, wait a minute, baby. I'm not lying to you now, honey. I say, baby, I'm telling you the truth, you know. Got no reason to lie now, honey. Well, there's something missing now, baby. You know, I want to get a feeling that I had when I first met you, baby. Tired of getting the blues now, baby. You gotta tell me something real nice now. Don't be shy, baby. I know you can do it. Say something real nice. Salut tout le monde, bienvenue à cette capsule de la nouveauté podcast de la semaine. Cette semaine, je vous parle d'un podcast super le fun qui s'appelle « Ça vient de là ». « Ça vient de là », c'est un podcast d'environ 20 minutes. C'est publié à toutes les deux semaines. Il en sort à peu près deux par mois. C'est très simple, c'est un podcast où est-ce qu'ils vont expliquer l'origine de certaines choses, certains objets. Parfois, ça peut être des expressions, ça peut être de démystifier des mythes. C'est très informatif. Comme cette semaine, il explique l'origine de l'expression « sans crier gare ». Il explique aussi c'est quoi un ver d'oreille, d'où ça vient, comment c'est créé. C'est vraiment le fun. C'est plein d'informations si vous voulez nourrir votre cerveau. Ça dure 20 minutes. C'est vraiment bien expliqué. L'animateur a du vocabulaire. Il parle très bien. C'est bien produit. Le son est bon. Je vous le recommande. C'est disponible sur iTunes, Stitcher, sur la plateforme RZO. Ça s'écoute super bien. Si vous avez vous-même un podcast, si vous voulez me suggérer des podcasts que vous connaissez, que vous trouvez très bons, des podcasts qui sont faits ici en français au Québec, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel info@commercialyanterio.com. Et puis, si vous voulez écouter mon podcast, ça s'appelle Le Stream, c'est disponible sur le yanterio.com. À la semaine prochaine, tout le monde!